Sur quoi, le chevalier farouche fit un pas, brandit sa grande épée et dit « Prends garde, sire !» On vit le lion, chose effrayante, sourire. « Ne faites pas sourire un lion !» Le duel s'engagea, comme il sire entre géants, cruels, tels que ceux qui de l'Inde ensanglantent les jungles. L'homme allongea son glaive et la bête ses ongles. On se prit corps à corps, et le monstre écumant se mit à manier l'homme effroyablement. L'un était le vaillant, et l'autre le vorace. Le lion étreignit la chair sous la cuirasse, et, fauve, et sous sa griffe ardente, pétrissant ce fer et cet acier, il fit jaillir le sang, du sombre écrasement de toute cette armure, comme un enfant rougit ses doigts dans une mûre. Et puis, l'un après l'autre, il ôta les morceaux du casque et des brassards, et mit à nu les os. Et le grand chevalier n'était plus qu'une espèce de bouée de limon sous la cuirasse épaisse. Et le lion mangea le héros, puis il mit sa tête sur le roc sinistre et s'endormit.